contentais de vous dire bonsoir et il est 20h à la bonne heure. J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 523 qui démarre et l'album de la semaine est double parce qu'on est post-14 février puisque nous sommes le 16 février. Il y aura donc deux albums, l'album Kisses on the Bottom de 2012 de Paul McCartney et l'album de Ringo Starr Sentimental Journée en 1970. Je vais vous donner les trois premiers McCartney. Ce sera We Three, My Echo, My Shadow and Me. Oh, l'ambiance, ça va être franchement tranquille, hein, comme si on était en fin de soirée avec des cocktails et tout ça. Il y aura également I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter sur le même album. Et le troisième, ce sera Bye Bye Blackbird. Blackbird, Blackbird. Pour Ringo Starr, ce sera Sentimental Journey. Il y aura également Bye Bye Blackbird, sa version à lui. Et il y aura Love is a Many Splendid Thing, etc. Un album qu'il avait créé en 1970, selon ses propres termes, pour faire plaisir à sa maman. Sympa quand même, le petit Ringo Starr, voilà. Pour le reste, il y aura du Harrison, du Lennon et des Beatles, bien entendu. Pour George Harrison, ce sera A Waiting on You All sur l'album All Things Must Pass, Lennon Games en 1973. Quant aux Beatles, on démarrera avec Chains, chanté par George Harrison, oui. Voilà, je vous invite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis tout va bien se passer jusqu'aux alentours de 22h, 2 minutes, peut-être, un truc comme ça. Moment auquel vous retrouverez Eric pour son fantastique John de A à Z. C'est la fin du générique, donc nous allons démarrer tout de suite. Mais alors, on va démarrer tranquille. Asseyez-vous, prenez un cocktail sans alcool, c'est ce que je vous conseille. Mangez une crêpe, faites ce que vous voulez. Et on commence avec We Three, My Echo, My Shadow and Me. Tranquille, Paul McCartney sur RG. We three, we're all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd. We're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me. I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, echo, my shadow, and me, we'll be here sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Différente forcément, puisque là, sur cet album-là, Ringo Starr n'a que 30 ans. C'est son premier album post-Beatles. On ne va pas passer que des rythmes archi-doux comme ça toute la soirée, parce que sinon, ça risque d'être ennuyeux, peut-être. Et encore, non, ça peut très bien vous plaire. Je vous propose Waiting on You All de George Harrison, que j'ai pris exprès pour que ce soit mieux. La saga des Fab Four, c'est tous les mercredis, 20h-22h, sur RIG 90.7. You don't need a love it. You don't need a lift pass. You don't need a heart as you're full of microscopes to see the mess that you're in. You open up your heart. You know what I mean. With people who need to love. That is a way for you to get clean. You don't need no passport. You don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. If you open up your heart, you see he's right there. He always was and will be. He'll leave you of your own care. need a church house. You don't need a temple. You don't need all those DVDs of the books to reach the seat that you are holding. If you open up your heart, you know what I mean. If you can't dance along, la version que je vous ai proposée n'est pas de 1970, c'est le remix de 2020 avec une voix qui s'entend davantage. C'est vraiment très très bien. Il vous faut acheter à nouveau le triple album All Things Must Pass pour découvrir ça. Surtout que dans la sortie pour les 50 ans, un peu retardée à cause de la Covid, eh bien il y a des plus et des plus qui sont très très très très intéressants. All right, John Lennon, Only People sur RG. Only People sur l'album Mind Games. L'origine de ce rock agréable et sans conséquence est une phrase de Yoko, oui, citée sur la pochette de l'album. Only people can change the world. Seuls les gens peuvent changer le monde. John y ajouta un aphorisme qui n'est pas le meilleur qu'il ait commis. La folie est le premier signe des pellicules. Dixit. On peut se demander si cette dernière phrase n'aurait pas inspiré une meilleure chanson. Telle qu'elle est, Only People revisite le thème d'Instant Karma, le potentiel de la collectivité sur la formation de l'avenir, sans la foi radieuse de cette dernière. John répétait peut-être son message parce qu'il croyait dans la répétition des mantras, à moins qu'il n'ait manqué d'idées nouvelles. Diverses forces étaient à l'œuvre durant cet été 1973, dont la conjonction mènerait à la chute de Nixon, qui démissionnerait un an plus tard. Mais une foule réunie dans les studios Record Plant de New York pour clamer des slogans hostiles n'en faisait probablement pas partie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Nous avons écouté tour à tour McCartney, Ringo Starr, George Harrison et John Lennon. Avant d'écouter les Beatles, il vous faut tout savoir sur le site pour savoir tout. Tout savoir pour savoir tout, ça va bien. Sur les Beatles, ce site, c'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Super fan, ceux qui repèrent tout, je pense, sauf si je me suis trompé à un moment ou deux, je pense vous proposer toutes les chansons Beatles en mono, avec le mixage mono. J'ai eu envie de faire ça pour cette fois-ci. Donc ne vous inquiétez pas si les fumettes ne bougent pas pendant les chansons Beatles, c'est normal. On revient à l'album de la semaine, ou aux albums de la semaine, devrais-je dire, pour une fois. Les deux albums, c'est Kisses on the Bottom de 2012 de Paul McCartney et Sentimental Journey de Ringo Starr en 1970. Et les deux chansons à la suite que je vous propose, c'est d'abord McCartney avec « I'm gonna sit right down and write myself a letter » et « Bye bye Blackbird », la première version de Ringo Starr. C'est parti. Down. and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better, and close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Qui ne connaîtrait pas, vous allez vous rendre compte tout à l'heure que la version de Paul McCartney est bien différente. Mais il est vrai que là, c'était fait en 1970 et la version de McCartney, ce sera en 2012, donc bien longtemps après. Allez, des Beatles, s'il vous plaît, voici Hold Me Tight, en mono, forcément. C'est extrait des albums US, au fait, si vous voulez savoir. Tonight. Let's go. Back. Les vieux pots qui ont fait la meilleure musique avec les Beatles en 1963 d'abord, Hold Me Tight, et puis un instant Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, quatre fois Hey sur Fall for Sale en 1964. Quelle très belle année que cette année 1964. Il paraît que des légendes sont nées cette année-là. Ça, c'était inédit pendant très très longtemps. C'est sûr, All Things Must Pass, les 50 ans. George Harrison, Cosmic Empire, sur RIG. I'm waiting in the queue to go to the Cosmic Empire. I wanna put no view down at the Cosmic Empire. An omnipresent view down at the Cosmic Empire. Shining clear, it beats right there. Where one world's all disappear, it shines bright there. Down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. Souls are filled with joy, can't resist the spirit no one can destroy. You find bliss there. Down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. The Avant de retrouver la version de Bye Bye Blackbird de Paul McCartney, la radio a quelque chose à vous dire. Votre radio locale érigée a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. Érigée est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider Érigée à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail. Direction@erigfm.fr. Direction@erigfm.fr. Blackbird. C'est d'abord pour fêter les 10 ans de Kisses on the Bottom, puisque c'était en 2012, on est en 2022. Et puis, comme on était proche du 14 février, je me suis dit, tiens, on va faire une petite saga amoureuse, ça pourra être sympa. Du coup, je l'ai doublé avec l'album de Ringo Starr, parce que ça me semblait une bonne idée. Et c'est vrai que je redécouvre l'album Kisses on the Bottom, que j'avoue ne pas écouter souvent. Je m'étais mis dans la tête que la voix de Paul McCartney n'était pas agréable. Et bien, en fait, si. Si jamais on prend son temps, justement, qu'on n'a pas envie d'écouter du rock, eh bien la voix de McCartney va très bien à ses vieilleries. C'est très très sympa. Reconnaissable au premier coup. A Hard Day's Night sur RG. Give me everything. faut pas croire, je vous vois, moi, depuis ma radio, puisque j'ai vu Agathe derrière son comptoir qui était en train de chalouper avec ses verres et ses crêpes et tout ça, parce que elle aime ce genre de chanson. Do you want to dance? Et John Lennon, à la fin de la chanson, dit I'm not quite sure, donc je ne suis pas sûr. Bref, revenons aux Beatles avec ce titre, Ticket to Ride, un excellent titre qui est bourré de sous-entendus. Ah. Sur 90.7 ou sur www.rgfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 523. Je suis votre hôte, Thierry Gallet, et je vous propose deux albums de la semaine ce soir. Un album qui s'appelle Kisses on the Bottom par Paul McCartney en 2012 et un autre par Ringo Starr en 1970 qui s'appelle Sentimental Journey. Voici les deux extraits. Accentuate the positive, c'est écrit comme ça sur le texte, et Love is a many splendid thing. Ringo, enfin Paul et Ringo sur RIG tout de suite. You got to accentuate the positive. Eliminate the negative. Latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium. Liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man. mind. They say we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. Between. Remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. With Mr. In Between. Ceci est intéressant qu'ils sont courts, donc on est en avance sur le timing habituel et on va déjà vous proposer le, comment on appelle ça, la cover, oui. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, George ou Ringo, que ce soit avec les Beatles ou une fois séparés, que ce soit même eux qui écrivent la chanson ou s'ils ont repris cette chanson d'un de leurs pères, par exemple, ou même si une fois séparés, par exemple, ils ont eu envie de faire une reprise. Bref, tout ça pour vous dire que C'est une chanson que eux, ils ont chantée. Suivez, faites des dessins si vous voulez. Eh bien, je ne suis pas allé chercher très très loin le gars qui va reprendre, puisque c'est un vieux copain, un très bon copain de George Harrison. Il lui a appris ses chansons et même sa femme. Pas mal quand même. C'est Eric Clapton qui, en 2010, il me semble, je prends mon conducteur pour être sûr de ne pas me tromper. Oui, en 2010, sur un album qui s'appelle simplement Clapton, il chante My Very Good Friend, The Milkman. Une chanson qui est sur l'album Kisses on the Bottom, forcément. My very good friend, the milkman says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman, says that it would make his burden less. We both have the same address, and he suggests that you should marry me. And then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news. Cottages with country views. My very good friends, the neighbors say, they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Came the number one, so if you're You'll never feel alone while you're moving with that rhythm. You're gonna swing them all while dancing on the floor. So is you ready to get happy? I tell you, don't delay. Come on, baby, hear him play. He's got the hottest guy. Long, long time ago, afterwards kicked the can. That's when Mr. Yow became the number one. So if you're ready to get happy, you can meet your sister. Tell you, look out, brother, he's got the hottest guy in town. You ought to know about a little guy named Sifu Yao. And down in Chinatown, he's pretty well renowned. Is you ready to get happy? He can beat it out. Like our brother now, he's got the hottest gun in town. Ooh, ooh. Impressionnant quand même cette capacité d'être bon dans tous les styles ou presque. C'est George Harrison en 1986 pour le film Shanghai Surprise, mais cette chanson, vous la retrouvez sur un album qui est rare, qui s'appelle tout simplement Songs by George Harrison, qui est sorti en 1992. D-Ball. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. No one makes a move. Well, everybody's a winner. I'm nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's crying, and no one leaves the ground. Well, everybody's crying, and no one makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around. Right.

now. Have I told you lately that I miss you? When the stars are shining in the sky, have I told you why the nights are long when you're not with me, darling? I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you. Love you. Well, darling, I'm telling you now. Nous sommes deux jours après le 14 février. Vous me permettrez de dédier la chanson Woman de John Lennon, la version spéciale, la version de Double Fantasy Strip Down. Voilà pourquoi j'allais dire Double Strip Down. Je me demandais comment on pouvait faire ça deux fois. Bien, je la dédie à Alexandra, bien sûr. Where are we going, fellas? Two. Three, four. For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. I love some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind. gravé dans ma vie. Eh oui, Johnny Hallyday a fait une reprise, évidemment, de cette chanson « Got to get you into my life ». Et puisqu'on parle de Johnny, tout à l'heure, dans 35 minutes à peu près, il y aura Johnny de A à Z avec l'étonnant et l'éternel Eric, plus jeune que moi et très très motivé, pour vous donner la meilleure émission sur Johnny de A à Z qu'il puisse exister en France. « Got to get you into my life » date de l'album Revolver. Elle fut composée par Paul, qui eut l'idée d'utiliser des cuivres pour se rapprocher du son Motown. De la vie de John, les paroles « Another kind of mine », un autre état d'esprit, étaient une allusion de Paul à sa récente découverte du LSD. Paul était peut-être le dernier des Beatles à en avoir fait l'expérience, mais il fut aussi le premier à l'admettre en public. Cette révélation, faite à un journaliste du magazine Life, fut reprise par les grands titres de la presse et des journaux télévisés du monde entier. Il révéla plus tard qu'il avait à l'époque pris 4 fois de l'acide. Faut pas, hein. Le 19 juin 1967, un journaliste de la télévision britannique lui demanda s'il n'aurait pas été préférable de ne pas divulguer cette information. Une question m'a été posée par un journaliste et j'avais le choix entre mentir et dire la vérité, répondit-il. J'ai décidé de dire la vérité, mais je lui ai demandé de garder ça pour lui. Il a décidé d'en faire état malgré tout. C'est donc lui qui emporte la responsabilité, pas moi. Ouais, admettons. Allez, retour à l'album de la semaine, ou double album de la semaine, l'album Kisses on the Bottom de 2012 par Paul McCartney et l'album Sentimental Journey par Ringo Starr en 1970. Sur son album, Paul McCartney a glissé une chanson à lui en hommage à sa nouvelle épouse, Nancy. Voici My Valentine. Donc, ça n'est pas une reprise, c'est une chanson de Paul McCartney dans le style des vieilleries, des chansons des années 20, 30, 40 qu'il a chanté sur cet album-là. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.

Ce sera dans une grosse vingtaine de minutes. Mais pour l'instant, je vous avais dit que la programmation serait courte et que du coup, on aurait du temps de libre. Je vous ai proposé 1, 2, 3, 4 Paul McCartney à la suite. On terminera la série avec Baby's Request, mais dans la version Back to the Egg. Voici mon chouchou pendant quelques minutes. Par plaisir. On commence avec Letting Go. Il y aura Warm and Beautiful. Et puis après, vous verrez. separation ever after. I'm not afraid to die.